can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission dédiée à l'humour sur Fadjet Rock'n'Roll. Nous allons faire en votre compagnie un petit tour une fois par mois, hein. Ça fait plutôt 4-5 mois qu'on fait ça. Dans le doux monde de l'humour et des sorties possibles, nous serons accompagnés d'invités. On vous proposera des quiz loufoques, comme à l'accoutumée, des billets drôles. On vous contera même de jolies histoires culinaires avec notre ami Bertrand. Nous testons, nous essayons, nous expérimentons de nouvelles rubriques chaque mois. À nous de vous dire si elles vous plaisent ou non. Personne nous a déjà répondu, donc c'est sympa. Et donc on garde ou on garde pas. On en a déjà essayé pas mal des chroniques. Mon acolyte. T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Permettez-moi de vous présenter, monsieur. Mon acolyte pour ce rendez-vous radiophonique mensuel et l'inimitable personnage comico-cynique Bertrand. Bonjour à toi, ma douce. Bonjour à toi, mon lapin. Comment va-t-on? Bah écoutez, ça va bien depuis le mois dernier. J'ai l'impression qu'on s'en va vers le printemps. Je suis tout excité. Ah moi aussi, j'en suis fort ravi. Et nous avons un invité cette fois-ci. Cet invité s'appelle Julien Strelzik. Bonjour à toi, Julien. Bonjour tout le monde, ça va? Bah fort bien, et toi-même? Oui. Alors Julien ne va pas tarder à t'inonder de questions d'ici quelques minutes. Ouais, on veut savoir beaucoup prêt. De choses sur toi. Au sommaire de cette émission, dans un premier temps, bon, on dissèque Julien, on le découpe, on le mange, on le consomme. Dans un deuxième temps, je testerai vos compétences dans le domaine de l'humour. Et bien sûr, on embarque chaque mois à bord du paquebot culinaire de Bertrand. Ouais, là il est en révision, mais je pense qu'on va pouvoir faire encore un petit peu de trajet là. Et donc aujourd'hui c'est une recette à base d'avocat. C'est exact. Bah oui. Bah je sais, on se l'a dit tout à l'heure par la magie des réseaux sociaux. Non, c'est la magie de la radio, laisse penser que ça peut être de la télépathie. C'est nul. C'est qui lui? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On commence tout simplement les présentations. Et je le disais, c'est Julien Strelzik. Bonjour à toi, Julien. Voilà, on commence toujours les présentations sur Ghostbusters. Ah d'accord. Ouais, c'est aussi divers, qu'est-ce que je dois faire? Alors Julien, humoriste de son état, de la région, je pense que il est nécessaire de le présenter, même si il commence à être bien connu au niveau local. Alors Julien, j'ai envie une première question comme ça. À partir de quel moment as-tu su que tu étais drôle? Ah, mais on est tous, je pense, drôles quand on est enfant déjà. J'aimais bien faire le pitre, mais surtout avec les gens qui me connaissent vraiment bien. Tu sais, le cercle familial ou amical, quoi. Pas faire le pitre tout le temps. Donc j'ai remarqué rapidement, je pense, dès la maternelle. Dès la maternelle? Oui. D'accord. Dès la maternelle, t'arrives à être conscient de ce que dès la maternelle, j'avais des mots dans le carnet de correspondance. Bon, bah, qu'ils avaient dit un carnet de correspondance. Rendez-vous avec les parents et tout. Ouais, on avait un carnet de correspondance déjà en maternelle. J'écrivais déjà en maternelle. D'accord. Oh, il est doué. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais savoir au départ, c'est que ça fait pas encore très longtemps finalement que tu fais ça. 4 ans? Ça fait 4 ans. Ouais, depuis une semaine, ça fait 4 ans. Donc tu as fêté ton anniversaire samedi dernier, c'était fabuleux, j'ai vu les photos. Et donc, au départ, ce n'est pas ta profession, tu as entamé un parcours théâtral, comique. Explique-nous un petit peu le passif de Julien Strelzik. Bah, j'ai fait les études, comme tout le monde, parce que sinon on se dit ça craint. Donc je les ai faites, et puis ensuite je suis devenu commercial. J'étais responsable de plusieurs magasins de consommables d'informatique et ensuite je suis devenu formateur à 23 ans dans le développement personnel, la communication. C'est là que je me suis dit que la prise de parole en public, ben ça se passait plutôt bien, dans une bonne ambiance. Donc je me suis dit on va passer à la vitesse supérieure. À 29 ans, j'ai décidé de monter sur les planches. Et après seulement, je me suis fait suivre par plusieurs professionnels. Ouais, donc t'as déjà... Alors toi, t'as fait un petit peu le truc à l'envers. Voilà. C'est que tu t'es dit, je monte directement sur scène, je vois ce que je vaux, et après on avise. Ouais, c'est ça. J'ai tout de suite fait une heure et quart direct, première fois en fait. Alors non, mais la première fois était comment? Parce que ça devait être... Bah, quand j'ai regardé il y a pas longtemps, j'avais beaucoup de réflexes de formateur, c'est-à-dire je regardais ma montre par exemple. Plein sketch, tu regardes ta montre. Ou alors je me frottais les mains. Je me lavais les mains en direct. J'avais beaucoup de défauts comme ça, mais sur les blagues et les sketchs, ça marchait plutôt bien. Bon, maintenant ça a l'air vraiment ridicule hein, au bout de 4 ans, mais ça a bien pris. Donc ça m'a donné envie de continuer fort. Parce que c'est quelque chose qui était au fond de toi. C'est vraiment, tu penses qu'il y avait quelque chose, c'est un besoin. Ouais, c'est un besoin de faire rire. Ouais. Déjà dans le cadre des formations, tu faisais un petit peu rire? Ah oui. Oui, bien sûr. Je suis réputé pour apporter quand même les connaissances, mais dans une très bonne ambiance. parce qu'il passe tout de suite mieux en fait. Ouais, t'as c'est la, quand même plus intéressant. La possibilité d'expliquer avec une petite connerie en plus. Il y a l'anecdote, on s'en rappelle. Exactement. Ouais. Sur les premières scènes, t'avais pas encore l'ambition d'en faire ton métier. Ah si, bah si, mais d'entrée de jeu. Bah j'avais l'ambition d'en faire dans mon métier même avant de démarrer. Moi je crois que ça c'est un peu normal en fait. Je sais pas, je me pose la question, ce départ on le fait quand même pas par passion, par plaisir, se dire bah tiens je vais essayer, mais tout de suite se dire je vais en faire mon métier. Ah si, moi pour moi c'était clair, même avant de me lancer. Hein. Moi je pense que si, enfin je pense que justement tu peux pas dire je vais monter sur les planches, ouais, comme ça, genre avec la moindre ambition. Ça peut être juste un défi au départ. Hein. Ouais mais alors dans ce cas là tu fais pas grand chose. Ouais. Tu en fais deux par an et puis t'es heureux. Voilà, parce que tu le vois bien sur les plateaux d'humoriste et les plateaux d'humoriste, les tremplins d'humour. Tous les gens ne font pas forcément un spectacle en entier, simplement un défi qui est de faire un sketch. Après, peut-être que tu le fais tourner à gauche, à droite et du coup ça te donne l'envie d'aller un peu plus loin, mais il y en a certains qui ne font pas. Ah oui, mais parce que chacun a ses attentes différentes. Je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment qui jouent et puis qui ont juste envie effectivement de se faire plaisir de temps en temps, mais qui ont vraiment pas l'objectif de professionnaliser. Puis il y en a d'autres, je pense que c'est quand même quelque chose qui est dans notre tête dès le départ, ouais. Moi je pense quand même que quand tu montes sur scène, d'une certaine manière, t'as pas envie directement de te dire ouais je vais me faire repérer ou tout ça, mais que ça plaise, et c'est pas qu'un défi juste pour dire je l'ai fait, c'est quelque part t'attends, tu crois qu'il va y avoir quelque chose. Moi je suis d'accord. Et au départ, est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu avais cette faculté-là? Ah, j'ai écrit depuis, je pense, l'âge de 14-15 ans. Mais je savais pas ce que j'allais en faire. Est-ce que ça allait être un bouquin? Est-ce que ça allait être un film? Est-ce que ça allait être des sketchs? J'avais envie que ce soit plutôt des sketchs. Mais comme je n'osais pas monter sur scène, je savais pas trop où ça allait venir. Parce que le bouquin, c'est un peu plus facile. En tout cas, pour l'écrire, on est protégé, quoi. Mm-hmm. Alors que la scène, t'as pas la protection. Et quand tu écris en fait, est-ce que tu écris simplement des choses humoristiques ou est-ce que des fois c'est avec plus des choses qui vont peut-être te toucher pour après les décliner de façon humoristique ou ah oui, il y a uniquement... pas que des choses marrantes. Non. Ouais. Ouais, ça peut être de tout. Après effectivement pour retranscrire dans le one man show, bah il faudra forcément la partie humour, mais ça peut être aussi une partie émotionnelle, affective, etc. Mais j'ai beaucoup de choses en stock qui sont pas marrantes. Et d'accord. Je sais pas encore comment je vais les utiliser, mais on verra. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand t'es humoriste, enfin quand t'as l'étiquette d'humoriste, du coup, en fait, on attend systématiquement la vanne, ouais. Et c'est très difficile après de pouvoir placer quelque chose sans avoir à faire le gimmick un peu qui casse tout. Bon, alors là, on va parler d'un truc un peu plus sérieux, mais de pouvoir évoquer autre chose, quoi, en fait. Je suis d'accord. Il faut mettre une pointe de poésie, une pointe de. D'émotion là dans les sketchs et dans les spectacles, mais c'est sûr que les gens viennent pour rire. Et donc il faut que ça balance, ouais. Oui, évidemment. On parlera justement tout à l'heure de tes sujets de prédilection, tes humoristes. Pour l'instant, on n'est pas drôle, hein. Plus de... c'est des gens qui écoutent. Mais l'intérêt aussi. Il doit être bien sur le spectacle. L'intérêt aussi finalement le but, de faire des vannes. Non, ouais, c'est de bien, te présenter. Au moins, justement. Voilà, parce que je pense aussi que c'est très important pour moi. Il y a certainement, alors peut-être pas des tas de jeunes humoristes qui nous écoutent, mais c'est très jeune comme passion, comme même profession. De plus en plus de jeunes commencent à se mettre à l'humour, comment se mettre au foot ou au basket. Exactement. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment. On peut bien commencer parce que je trouve que ça peut être très marquant dès le départ si on se prend une ou deux claques, et de remonter sur scène c'est compliqué. Ah et ouais. Surtout toi t'as 20... une belle hier. Voilà, t'as commencé à 28 ans aussi, hein. Les jeunes qu'on voit et qu'on a l'habitude de voir qui ont 17 ans, 16 ans, 15 ans voire plus jeunes n'ont pas le passif que t'as ni l'expérience pour parfois surmonter ça. C'est vrai, il faut être fort psychologiquement et selon les gifs qu'on se prend, selon le moment où on les prend, c'est vrai qu'il faut être très fort pour prendre du recul en fait. Il faut prendre un recul énorme. Hier j'ai joué des sketchs et puis je suis sorti de scène et il y a quelqu'un qui m'est tombé dessus, qui m'a gueulé dessus. Il m'a dit qu'est-ce que vous foutez là, vous êtes qui? Et donc il faut rester très simple, hein, parce que ça fait quand même bizarre. Qu'est-ce que vous foutez là, vous êtes qui? Tu viens de faire rire une salle entière et puis tout d'un coup il y a quelqu'un que tu connais pas qui t'engueule. Donc il faut rester humble. J'en dirai pas beaucoup plus parce qu'il habite à Nancy. Ah d'accord. Mais en tout cas voilà, ça fait tu sais la veille t'as 700 personnes dans la salle qui t'acclament et puis le lendemain t'en as un qui te gueule dessus. Voilà, c'est ça, c'est la carrière qui est comme ça tout le temps. C'est un parcours sinusoïdal. Ouais, tout le temps. Il y a des hauts, joie, colère, tristesse. Il y a des hauts, des bas. Alors, justement, on en apprendra plus tout au long de cette émission. Rock'n'Roll, c'est de 20h à 21h. Il y a des quiz, il y a des petits jeux en tout genre. Et j'ai hâte de vous faire participer à celui qui me tient fort à cœur, qui est, comme tu dirais, alors j'ai pas le générique idéal, mais c'est, question pour un champion. C'est question pour un comique. Mais il est très bien tout générique. C'est vrai? Ouais, bien sûr. C'est toujours Rock College. C'est ouais. Les séries américaines là où ils sont là, tous là. Là, je vois vraiment la chanteuse. Ouais, Kevin qui arrive pas à se faire à Kimberley. Alors, Julien, tu ne le connais pas. Question pour un champion, tu connais? Oui. Tu sais que tu es Julien, un spécialiste? C'est aussi Julien. Julien Lepers. Tu es un spécialiste. C'est mon émission préférée. Là, je comprends. Je regarde tous les jours. Hein, Julien, tu es un spécialiste ici qui est passé la question pour un champion. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et wow. il n'ose pas dire parce qu'il est humble, il est modeste. Non, mais c'est surtout parce que les gens qui écoutent l'émission le savent. Il a eu son petit résultat. Il a eu son petit résultat, je le sais. Oui, tu peux passer en deuxième. Il a une petite carrière. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un décollage. Il y a eu un avant et un après question pour un champion. Et donc, c'est très simple. Je vais faire le questionnaire lié à un comique. Chaque mois, je fais ça. Qui passe donc dans la région. En règle générale, c'est quelqu'un de connu. Maintenant, le monde des comiques est divers. Là, il faut trouver un humoriste. Varié, et tu dois trouver un humoriste. Alors, tu attends que je finisse. Tu me saccages pas la moitié de mon jeu en me donnant au bout de deux phrases. Tu me donnes pas au bout de deux phrases directement. Si j'ai trouvé, j'attends la réponse. Tu attends un petit peu. Et Bertrand, de toute façon, t'as. Tu es toujours nul. Tout ouvert, il est nul. Il ne connaît personne. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut bien sûr. Je te connaissais quand même avant. C'est déjà ça. Oui, c'est ça. Ouais, il me connaît moi, mais il ne connaît pas ceux qui sont connus, quoi. Voilà. Comme alors, tout tu bon. Tu prends comme tu veux. Voilà, c'est ça. Tu l'as... Comme tout bon jeu et questionnaire, il y a un compte à rebours. On fait avec les moyens du bord. Il y a l'autre bout de la pièce. On fait avec les moyens du bord, hein, bien évidemment. Et normalement, après, une fois qu'on trouve pas la réponse, tu vois, il y a ce petit tic-tac. Ça m'a l'impression. Vous êtes prêts, Julien S et Bertrand H. Allez. Je lance. Né le 25 octobre 1983, je grandis en Belgique. Je suis une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence un garçon manqué. Je m'installe à Paris à 21 ans avec pour ambition première de devenir chorégraphe et danseuse professionnelle. Reviens en Belgique et repars. Je découvre le théâtre et veux devenir actrice. Fin 2008, j'intègre alors le studio Pygmalion où je me forme pendant plusieurs mois. Virginia. Je suis également les cours de Damien Akokas du laboratoire de l'acteur dirigé par Hélène Zidi. Chez Rue, je suis ainsi repéré dans la petite salle Le Pranzo par le directeur artistique du Jamel Comedy Club qui m'invite à passer le casting pour intégrer l'équipe créée par Jamel Debbouze, seule femme retenue pour intégrer la troupe. Et je commence en septembre 2011 en tant qu'humoriste. Je quitte cette troupe 6 mois plus tard. Sur Télé Sud, j'anime l'émission Backstage où je reçois des artistes tels que Rick Ross, Shaggy, Wyclef Jean, Kerry James ou Chris Brown. Et en 2011, je présente l'émission Check Tobouti sur MTV aux côtés de Cut Killer. En septembre 2012, je rejoins en tant que chroniqueuse équipe du Grand Journal qui recherche à se renouveler. Je fonde ensuite le collectif des Jam Girls, émission télévisée qui réunit une nouvelle génération humoriste féminine. Je me lance dans mon premier one-man show en 2014. C'est moi la plus belge au Palais des Glaces à Paris. Je participe au festival Juste pour rire à Montréal en juillet 2014. Je joue à Nancy mon spectacle. C'est moi la plus belge à la salle Poirel le 24 mars à 20h30. Je suis Virginie Hoc. Non. Bertrand. Attendez, non, j'ai aussi pour les fausses réponses, j'ai ça. Comment ça s'appelle? C'est... Je vois qui c'est. Je m'appelle. C'est. Je suis belge. Je m'appelle Nawel. Madani. Ah, mais. Bravo. Je fais ça. Je suis trop con en plus, parce que Jamel Comedy Club, alors, Virginie Hoc, rien à voir. Oui, mais il commence à avoir du monde maintenant, le Jamel Comedy Club, hein, c'est non, vrai. Non, mais rien à voir, c'est Nawel Madani. Évidemment. Et elle a pas fait, elle a pas fait Virginie Hoc. Non, pas fait non, c'est pour ça mais que. Mais tu pensais à elle. Bah, c'est parce que je suis resté sur Belge, j'en connais une. Et t'en connais une, mais c'est déjà pas mal. Et Bertrand, tu connais toi Nawel Madani? Mais pas du tout, mais Virginie Hoc non plus, remarque. Hein, alors, bon. Ah ouais, donc tu connais vraiment personne. Quoi. Si, d'autres gens. Souvent, mais, hein, tu gagnes souvent au jeu-là? Ce jeu-là, je en 94, la dernière fois, c'était pour Coluche. Ouais, Nawel Madani. Plus des cons. Alors, et donc Bertrand, bah pour t'expliquer en fait, c'est un humour un peu à la Jamel, c'est un peu cash, c'est du stand-up un peu cash comme ça, assez agressif. Alors il y a une grosse part d'impro hein, dans ce que fait Nawel. Je pense qu'elle a une vraie répartie, beaucoup de verve, mais parfois elle rentre dans les clichés un peu hommes de la banlieue, les chanteuses à voix. Elle fait des clichés sur nos petites habitudes débiles. Moi, je la trouve agressive. C'est-à-dire que je trouve que c'est un truc très rentre dedans. Ah, mais en même temps, les femmes humoristes, il y en a pas beaucoup qui ne sont pas agressives. Hein. Ouais, mais dans parce le stand-up, t'as pas trop le choix. Dans le stand-up, ah ouais, elle use beaucoup de mots. Allez. Ouais. Vulgaire, si, elle, oui. Tu vois. Ouais. Et mais bon, enfin moi perso, je trouve que c'est très très bon. Et chaque femme humoriste, je les admire parce que faire rire quand t'es une femme, c'est beaucoup plus complexe. Alors pourquoi tu dis ça? Bah parce que les gens qui rentrent dans la salle, ils ont déjà des a priori, ils vont se dire comment elle va faire. C'est un peu comme dans tous les métiers d'ailleurs. Hein. Parce que si tu vérifies bien, c'est tous des garçons manqués. Hein. Foresti, alors, Muriel exactement, Robin, c'est ce que Romanoff. Je te dis. Je sais pas si vous l'avez entendu parce que j'ai peut-être bouffé les mots tout à l'heure et j'ai dit justement que une bonne partie. Déjà l'année de naissance, j'ai pas compris. Hein. Alors, fallait que je commence vite. Hein. Je suis né le 25 octobre 1983, donc elle a 32 ans. Elle est jeune, hein? Moi, je pensais pas que ça serait un milieu beaucoup plus fermé, enfin plus, enfin que ça soit. C'est un pour les femmes, c'est chaud. Je pensais, enfin, il y a des tas de milieux qui sont clairement plus difficiles pour les femmes. Je pensais pas que, je pensais que l'humour ou les, le théâtre, les trucs comme ça, c'était quand même différent, qu'il y avait quand même pas autant de d'appréhension de la part du public. Ouais, je connais pas toutes les raisons, mais c'est vrai que pour te faire un public très large. Mmh. C'est plus compliqué pour une femme, je pense. Hein. D'accord. L'autre jour, j'étais voir Roumanoff. C'est vrai que c'était assez. C'était beaucoup des couples d'un certain âge. Mais du coup, tu vois, tu connais son humour. Enfin, ouais. C'est très. Là aussi, ça envoie. Hein. Mmh. Pour la petite anecdote, Nawel Madani, elle reprend un peu les clichés. En fait, moi, pour moi, elle joue le rôle du mec, mais côté femme. Donc, elle fait exactement la même chose. Elle reprend tous les clichés sur les hommes, la vie de famille, etc. Mais d'une manière assez vulgaire. Par contre, elle rentre dedans un peu à la Eddie Murphy. Enfin, bon, moi, c'est parce que j'ai entendu ça. J'ai revu un sketch dernièrement de 1983 d'Eddie Murphy en stand-up. C'était absolument exceptionnel. Il avait 22 ans, le gars. Mm-hmm. Donc, c'est bam, bam, bam, je taille. À la méthode du Jamel Comedy Club, c'est-à-dire en stand-up, je parle directement au public. C'est pas mal. Alors, j'essaierai de mettre sur la page Facebook de l'émission Rock'n'Roll un petit bout que j'ai regardé tout à l'heure, qui est un sketch très très drôle, sur notamment les clichés sur les hommes, et puis toujours leur façon de draguer, tu sais. Alors ça, c'est repris, hein, ces sketchs où le mec drague la fille façon Kyra. Elle le fait très bien avec une touche supplémentaire. Et puis la touche belge, qui reste relativement sympathique et pour entrée de jeu en ouverture du spectacle, et je trouve ça aussi intéressant parce que pareil, on a plein de clichés sur les Belges et elle joue un petit peu là-dessus, et elle a bien fait de le faire parce que ça donne une touche un peu comment dire ça, le spectacle, dès le départ tu t'envies parce que c'est une sympathie belge, j'en sais rien, enfin bon, sauf qu'elle a pas l'accent. Elle a pas l'accent du tout. J'aime bien comment il a concluté. Elle a pas l'accent. Et puis, et la musique s'arrête au même moment. Ouais. Elle a pas l'accent. Je croyais que c'était fait exprès. La lumière s'éteint. Tout est calé dans cette émission, messieurs. D'ailleurs, il est 20h17. Vous êtes à l'écoute de Fadjet et c'est Rock'n'Roll. Et il y a 18 ans déjà, Notorious Big nous quittait. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un petit clin d'œil. Bah oui, il faisait du rock. Vous vous rappelez de cette chanson? C'est d'actualité. No money. No problem. Bon les gars, il suffit pas. Allez, on se retrouve tout de suite dans Nawel Madani. Now, who's hot, who not? Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pops, who mostly doji down to the blue drop. The same old pimp, mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells full of love and luck. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. When you yell, there go mace, there go your cutie. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah. No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that, catch a seat at all events bent. Jackson, holsters, girls on shoulders. Play what? I told ya, me and Mike's to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 5-0-0, it's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, leave your ass Pizzak. Notorious B.I.G. No money, no problem. So Fadjet. Fadjet. Alors vous êtes à l'écoute de Rock'n'Roll sur Fadjet. On est ensemble jusque 21h. C'est un bon lundi. Moi je suis content de ce lundi-là. Est-ce que tu en es satisfait, Bertrand? Bah écoute, avec un joli temps pareil, même quand on se lève à midi, on est content. Ah, tu t'es levé à midi, mon coquin? Bah, j'ai pas fait exprès. J'ai... Ouais, c'est pour ça que t'arrivais pas à te joindre avant. Et bah voilà. Pour savoir les chroniques que t'allais faire ce soir. Oui, bah ça va, excuse-moi, j'ai... Eh ben on va voir ça tout de suite, notamment avec sa chronique... Alors, je préfère l'annoncer d'une manière très... On va pas partir dans le trivial, hein. On va partir dans le vrai, dans le profond. Bertrand a l'habitude de nous faire voguer. De faire voguer sur des ondes, mais de faire voguer sur les océans. Et l'amour... Sur une pirogue, sur un océan de sauce. Et sur l'amour de sa passion, qui est la cuisine. Aujourd'hui, on va voir une recette rapide à réaliser, pleine de couleurs et de saveurs. Une ode au printemps retrouvée. Le guacamole et ses dips de poulet pané. Alors évidemment, c'est pas moi qui ai inventé le mot dips, déjà parce que je trouve ça passablement agaçant, mais il est toujours préférable d'appeler les choses par leur nom. Donc on va faire un guacamole avec des dips. Alors dans un premier temps, on va réaliser ce fameux guacamole en faisant griller fortement un poivron au four afin que la peau de ce dernier carbonise. Une fois ceci fait, le retirer du four, le laisser refroidir et enfin le monder, à savoir l'éplucher. On aurait pu dire l'éplucher mais non, en cuisine un poivron ça se monde, fin de discussion. Éplucher les avocats, alors là on peut dire qu'on épluche un avocat, enlever le noyau, mettre dans un blender les avocats, une gousse d'ail dégermée, le poivron dont on aura ôté la peau, rappelez-vous, quelques baies de coriandre, du paprika fort et le jus d'un citron vert. Mettez en marche en prenant grand soin de ne pas laisser traîner une main dans la cuve pour des questions évidentes de sécurité, certes, mais également de goût. Arrêtez le blender quand le mélange a une consistance homogène ressemblant à celle d'un guacamole. Détendre le mélange avec une cuillère généreuse de crème fraîche épaisse et réserver au frais après avoir bien évidemment rectifié l'assaisonnement, ce qui veut dire mettre du sel, en gros. Dans un second temps, afin de réaliser nos fameux dips, découpez les filets de poulet en bâtonnets et les panez à l'anglaise. Une appellation un peu technique pour dire que l'on va passer les morceaux de viande d'abord dans la farine, ensuite dans du blanc d'œuf et enfin dans la chapelure. Nous allons d'ailleurs réaliser une chapelure un peu spéciale vu qu'elle sera faite à partir de biscottes écrasées en poudre, mais également de chips vitelot, à savoir des chips de pommes de terre violettes, 100% naturelles, faut pas s'inquiéter, écrasées grossièrement. Vous plongez donc le poulet ainsi pané dans un bain de friture à 175 degrés pendant 2 minutes environ, vous égouttez, vous laissez reposer pendant 2 minutes environ avant de consommer. Vous pouvez, afin d'obtenir un repas équilibré, servir avec des carottes et des concombres taillés en bâtonnets également, qui ajouteront une inimitable touche croquante au côté croustillant du poulet et à l'onctuosité du guacamole. C'est très malin. Dites à table et bon appétit à tout le monde, ou bien passez cette étape si vous vivez seul. Oh, c'est beau. Et moi, ce qui le dit à table, était beau. C'est vrai. Moi, dit à table. Tu sais ce qui était beau, moi, c'est aussi les. Comment? Dit à table, t'as dit. Bah, ouais. Dit à table. Oui. Ouais. Dites à table. Dites à table. Dites à table. À table. Ah, parce que quand on a dit, tu finis par un thé, ouais. Bah, moi, je vous vois les gens dans la recette. Alors, dis donc. Il essaye de remettre en cause ta chronique, là, j'ai l'impression. Hein, le coquin, il essaye un peu de taper, hein. Voir, il a fait une erreur de conjugaison. Pas du tout. Il a Bertrand. Pas du tout, dites à table. Tu sais que tu m'as fait voyager avec une seule chose. Parce que j'en ai mangé une fois dans ma vie. Et j'ose espérer que tu me les feras encore goûter. Enfin, c'est pas toi qui me les as fait goûter. C'était les chips violettes, ce que t'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit des pommes de terre violettes. Ouais, les vitelotes. Ah, les vitelotes. Voilà. Vitelotes. Et on monde. Non, on les épluche. Non, mais c'était quoi qu'on monde? Les poivrons. Et pas suivi. Les tomates ou les amandes. Tu cuis le poivron et tu le mondes. Oui. C'est ça. Ah, et ça, c'est Bertrand. Ah, c'est un langage spécifique, hein. C'est sûr que tu peux même te prendre un pain par un chef de cuisine si voilà, tu épluches des poivrons. Mesdames et messieurs, je n'ai de cesse de le dire. Vous pouvez retrouver Bertrand, même si son cours est complet, archi complet. Pourquoi j'ai pris des notes? À la MJC Pichon, chaque année, il donne des cours de culinarité. Parce que c'est ça, c'est comme une philosophie, c'est lui. Donc n'hésitez pas. Et donc on le retrouve aussi chaque mois sur Rock'n'Loll. Allez, on poursuit cette émission. Il est 20h25 et on continue avec toi, Julien, et surtout avec eux. Non mais c'est évident. Bien sûr. Avec Ghostbusters. Bien sûr. Ghostbusters. Alors Julien, on a l'habitude de démarrer tranquille avec notre invité, de lui poser quelques questions sur son passé, histoire de s'intéresser à lui. Ça c'est fait. Okay. Maintenant, on va taper dans le plus gros. On aimerait savoir vraiment. On va bouger les pensées. On est là pour bousculer le monde. Pas mal, on se voit maintenant. On a un questionnaire chaque mois, très précis, très technique. Ouais. Il n'est pas élaboré comme ça sur un coin de table, bien évidemment. Le tien cette semaine a une particularité. Nous voulons savoir si tu aurais fait un bon collabo. Ah, il est dubitatif. Alors attention, il y a des questions pièges. Julien Strelzik. Première question. Allez-vous chercher le contrôleur quand quelqu'un est assis à votre place dans le TGV? Ah non, je lui parle directement. Tu lui parles directement. Mais si je lui dis gentiment, oh, c'est ma place là. Et si il n'y a plus d'autre place, un truc, si c'est une dame âgée. Si c'est une dame âgée, je m'assois sur elle. Donc tu dis non. Ok. Julien Strelzik, avez-vous fait allemand LV1? Oui. Oh la tristesse. Bah, ça va. Et j'ai un souvenir. Toi aussi? Bah oui, moi aussi. Mais pourquoi vous faites ça? Personne ne fait ça. J'ai un souvenir. C'est, tu vois, les stéréotypes. On rentrait dans la salle et tant qu'on n'avait pas dit en allemand bonjour monsieur Pierret. Guten Tag, Guten Tag, Herr Pierret. Et là, il disait, Zetsuich, ça veut dire asseyez-vous. Et on s'asseyait. Donc, c'était très militarisé. Mais on aimait bien, il était sympa. Mais vous avez même pas fait LV2, vous avez fait LV1 direct. LV1 allemand. Mais quel est le choix? Pourquoi? Par la proximité? Le prestige. Le prestige et la langue. Le prestige allemand. C'est vrai qu'après, tu te demandes pourquoi t'as fait ça alors que tous les autres, ils s'en sortent en anglais. Mais en plus, qu'à chaque fois qu'ils parlent, on croit qu'ils nous jettent des lames de cutter. Non, mais alors moi, bizarrement, j'étais carrément surdoué en allemand. Ça m'étonne pas de toi. Ça, c'est le côté Toul de tue qualité. J'ai jamais été tout loin. Non mais j'avais envie. Troisième question, Julien Strelzik, et vous vous taisez. À l'école, vous étiez toujours au premier rang, même si vous n'aviez pas de lunettes. Non. Ok. Julien Strelzik, beaucoup plus loin, très difficile. Vous n'avez pas pleuré devant la liste de Schindler? Je n'ai pas pleuré. Tu n'as même pas regardé, je pense, ce film. Si, bien sûr, j'ai vu deux fois. Non, j'ai pas pleuré à celui-ci. Julien Strelzik, je pense que vous en êtes capable. Seriez-vous capable d'appeler les flics le jour de la fête de la musique? Oui. Non mais pour de vrai. Pour leur passer un morceau. Mais pour de vrai. Trouvez-vous que les parquets en cuir et long, c'est classe? Pardon? Il écoute rien, il est pas là. Ah non mais on avait un invité aujourd'hui, Bertrand? Je sais pas. Trouvez-vous que les parkas en cuir et long sont classe? Il y a un problème avec l'impératif pluriel de personne, c'est fou. Ouais. Si c'est je dirais tout dépend qui le porte. Ok. Êtes-vous pour la vidéo dans le foot? Mainstream. Ah, c'était. Êtes-vous pour la vidéo dans le foot? Non. Ok, très bien. Bien les erreurs d'arbitre. Et enfin, je pense que vous l'avez fait vu que vous avez un compte à 600 000 amis. Avez-vous déjà signalé des gens ou des photos sur Facebook? Signalé, oui. Le coquinou. On pourrait savoir la cause? Ouais, c'était des gens qui avaient fait une page sur les musulmans qui était vraiment horrible. C'était torchon nous avec le Coran, je crois. T'as pas mis j'aime quoi. Donc maintenant j'ai signalé. D'accord, ok. Donc c'est bien. Donc ouais, t'as signalé quand même quelque chose qui devait être signalé. Il a trouvé le truc, il a signalé quand même quelque chose de signalable. Donc t'es pas vraiment. T'aurais pas pu faire un bon collabo. Voilà, malheureusement, je suis désolé de te le dire. Ça n'aurait pas été ta profession. Alors on va continuer tout simplement. On en parlait tout à l'heure avec les humoristes. Est-ce que tu as, on en parlait aussi avec Nawal Madani, est-ce que tu as un humoriste référent, un humoriste idyllique? Alors j'aime bien en fait Le premier que j'ai vu sur scène en live, c'est Jamel Debbouze. Ouais. Donc il m'a complètement impressionné. C'était à la Cigale, je me souviens, c'était 97, je crois. Gad Elmaleh, j'étais le voir très souvent pendant mon enfance. Je sais que j'ai des cassettes vidéo de Bigard chez moi. Donc là, quand j'ai fait sa première partie, ben l'entendre rire à mes blagues en coulisses, ben c'était frissonnant. Donc j'en ai pas un où vraiment c'est, j'en ai plein en fait. Alors, d'ailleurs, bon, tu viens de le signaler que tu as fait nombreuses premières parties. Cavana, De Maison, Parking, Baptiste Le Caplin, Didier Gustin hier, qui c'est que j'ai oublié, François-Xavier De Maison évidemment 8 fois. Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas été sympathique? De ceux que j'ai cités, non. Mais il y en a un que j'ai pas cité, oui. Ah, et donc du coup, oui, dont tu as fait la première partie. Ouais, mais que je sais pas, que je viens de pas te citer, puis je citerai pas. Mais t'as fait Didier Gustin aussi dernièrement. Didier Gustin, c'était hier et c'était, il était très gentil. C'est pas lui qui m'a gueulé dessus. D'accord. Ah, il y en a un qui t'a gueulé dessus. Ah ouais, mais c'était pas lui. Non, lui, il était adorable, vraiment très gentil. D'accord. Dans quelles circonstances on peut te gueuler dessus? Oui, parce que quelqu'un qui était, je pense, malheureux ou énervé par rapport à quelque chose d'autre. Mm-hmm. Et puis il cherchait une tête de Turc. Et puis il m'a trouvé, quoi. Parce que j'ai un gros nez et un crâne rasé. Il m'a pris. Pourtant, t'es avant lui. Comment veux-tu qu'il te crie? Enfin, c'est compliqué. Mais Gustin, par contre, lui, adorable. Très sympa. Nous n'en saurons pas plus. Et donc, sur la suite de ton parcours, notamment, plus de 400 spectacles. 400 spectacles, ouais. 400 pas spectacles entiers, mais 400 fois sur scène en 4 ans. Donc, des fois, c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, le spectacle entier, ça peut être 1h30, 2h. La samedi, on a fait 2h15. Et ouais, 400 fois, c'est des fois sur un tapis, au sol. Parfois, c'est sur une immense scène, des fois dans un couloir. Et puis, les bons souvenirs sont pas forcément que dans les grandes salles. Mais on est quand même bien dans une grande salle. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu n'as plus le trac? Ah, si, on l'a toujours. Ouais. Toujours, un peu différemment selon les soirées. Je l'ai plus quand je vois les gens et que les gens sont pas très nombreux que quand on est dans une immense salle où on les voit pas. D'accord, mais donc quand il y a une vraie proximité qu'une petite salle où tu vois toutes les paires d'yeux. Au clou du spectacle, ouais, voilà, aussi, j'ai plus le trac, largement plus que si je suis à la salle Poirel. Ouais, c'est ça. C'est l'exercice. Mais le trac, il est là, dans les deux. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. Un truc, c'est qu'effectivement, dans ces grosses salles-là, on a l'impression que quand l'humoriste monte sur scène, c'est déjà acquis, quoi. Enfin, c'est déjà, je sais pas si les personnes se mettent dans de bonnes conditions, déjà d'entrée de jeu, tu vois. Et alors que dans une petite salle, t'as plus toujours, l'obligation de ramer un peu, d'aller les chercher. Mais parce qu'il y a ce côté, impressionnant de la grande salle ou de la grande scène qui impose le respect, en fait. Mmh. Alors que dans une petite salle, t'as plutôt l'impression que t'es avec un pote dans un salon. Donc tu penses que c'est ça, c'est le fait. Je pense, ouais. Puis après, il y a le fait de, est-ce que tu payes ta place, est-ce que tu la payes pas, est-ce que tu connais déjà avant ou pas. Mmh. Enfin, il y a plein de paramètres, mais ça joue, ouais, le côté prestigieux du matériel, de la scène et tout ça. Ça a de l'impact. Je pense que quand t'es dans une grande salle, t'as rien à prouver. Les gens, ils viennent tous dans cette grande salle. Si t'es pas marrant, t'es quand même pas marrant. Ouais. Mais t'as déjà la com qui est déjà faite. Quand t'es dans une petite salle, tu dois prouver que c'est toi qu'on va regarder. Parce qu'il y a un travail différent. Plus de preuves à faire sur une petite, ouais. Pour les auditeurs, je demanderais, est-ce que t'as un conseil pour ceux qui souhaitent, les jeunes qui souhaitent se lancer, est-ce que t'as un conseil? Est-ce qu'on se jette tout de suite dans la mare aux fauves directement, ou on peaufine bien son sketch avec, pourquoi pas, un professionnel ou quelqu'un, un regard extérieur, avant de se jeter directement sur scène, quoi? Bah maintenant, la chance qu'ils ont dans la région, dans Lorraine, c'est que, et Alsace, Lorraine, hein, parce qu'on est assez partenaires maintenant, c'est qu'ils ont des scènes ouvertes comme le Close Up où ils peuvent tenter, ce qui n'existait pas il y a 4 ans. Il y a 4 ans, moi, quand j'ai démarré, c'est pour ça que j'ai démarré tout de suite 1h30 dans une salle que j'ai louée, parce que j'avais pas d'endroit, il y avait personne, il y avait rien, il y avait pas de regard. Donc les 3 conseils, c'est écrire, tester, filmer, voilà. Et il y en a plein qui me demandent, à chaque fois on me demande. Et puis il faut surtout pas faire ça pour l'argent, parce que si vous faites ça pour l'argent, arrêtez tout de suite. Dans le temps, tu feras démarrer même pas. Dans le temps, tu feras un petit peu de mise en scène ou pas? Est-ce que j'en ai déjà fait J'en ai déjà fait et ça me plaît beaucoup. Mais comme ça prend beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de temps à prendre aussi pour moi jouer. Et pour le one man show, c'est pas évident à jongler, mais ouais ça me plaît, ouais, j'aime beaucoup. D'accord. Tu dis que tu filmes. C'est pour voir quoi? Pour voir la C'est plus pour voir la démarche, la posture, pour voir le ou pour écouter les vannes, le rythme. Il y a des milliers de paramètres à analyser et si on ne l'a pas filmé, du coup, c'est impossible de mm-hmm. se rendre compte en fait. Donc c'est tout, ouais, le rythme, l'intonation, la voix, le texte. Des fois, c'est la ponctuation. Hein. La ponctuation, il suffit d'une seconde parfois pour que la blague soit complètement foirée ou alors qu'elle réussisse. Ça en vidéo, on le voit. Si tu peux pas te dire j'ai joué et je me souviens de tout ce qui s'est passé, c'est impossible. Non. Ok. Et donc Julien, on n'en a pas terminé avec toi et eh bien on va poursuivre avec Bertrand tout de suite. J'ai envie de poursuivre avec toi Bertrand sur une critique. Alors chaque mois il nous fait une critique, hein, il choisit un spectacle, un film, une personnalité, enfin ce qu'il a envie. Et donc aujourd'hui tu vas nous parler tout simplement eh bien de Dieudonné. Ouais. Ouais. En fait, il y a un moment donné où j'en ai eu marre, alors de l'humoriste Dieudonné, celui qui joue depuis de nombreuses années avec la provocation. Alors pour moi, ça reste un humoriste parce qu'il est drôle et ses vannes, elles sont fulgurantes, mais son fond est dégueulasse. Jusque-là, je dois avouer qu'il me faisait marrer en fait. Il y a toujours un doute dans sa performance, mais sa performance était tellement magistrale, puissante, drôle, que ce doute, je pouvais aisément le taire. Mais le rire s'est transformé en gêne, de plus en plus évidente, et enfin en colère depuis la création de cette sacro-sainte merde qui est Quenel Plus. Alors je sais pas si vous avez l'occasion de tester. Donc je trouvais que le postulat de base de Dieudonné, qui était de contester de manière humoristique l'hégémonie israélienne, était pertinente, que sur la longueur ça tenait encore la route, et que ses provocations avaient un temps quelque chose d'amusant. Ça fait un bout de temps que je commençais à douter du gars, mais j'attendais le sursaut, qui au final n'est jamais venu. Et du coup le second degré, bah, ça n'est sans doute pas au final, et j'aimerais toujours ses punchlines et la puissance de ses vannes, à savoir sa forme, mais alors son fond complètement crade, je crois que je décroche en fait. Pourtant je persiste à croire qu'il est convaincu de pas être le méchant, mais qu'il manipule des forces qu'il maîtrise plus et qu'il va faire péter à la gueule d'à peu près tout le monde. Donc je veux dire, former une coalition de suiveurs de sa sainte parole pour contrer un système décadent et jouer la provocation infinie à l'égard du culte juif, c'est un petit peu craignos quand même. Ouais. Et surtout que sa coalition n'attire guère plus que les imbéciles stupides et quasi fanatiques, et a tendance à éjecter au fur et à mesure ceux qui réfléchissent encore et qui en ont marre d'entendre qui en ont marre d'attendre le sursaut en vain. Sa fâcheuse sphère d'abrutis, prétendant ne pas être des moutons et qui le disent tous en cœur, mais qui ne font que cirer le fion de Dieudonné et boivent ses paroles autant qu'ils reniflent le CP, c'est surtout ça qui m'écœure. Donc je sais pas si vous avez donc lu Quenel Plus, mais c'est digne de la prose des journaux d'extrême droite à l'époque du Front Populaire. Les mêmes accusations, la même vulgarité, les mêmes méthodes répugnantes, ce genre d'article qui en gros titre citait le juif Léon Blum et qu'on retrouve actuellement dans des articles de Quenel Plus en traitant Madonna de salope adoratrice de Satan, Luz la grosse tapette. Voilà. Donc accuser tous ses opposants de sionistes, bien évidemment. Moi, au bout d'un moment, c'est vrai que ça me laisse. Je me dis, il est où l'humour là-dedans? Donc on peut au final prétendre qu'il s'agit d'humour et du coup tout pourrait passer, mais c'est un petit peu plus complexe en termes de débat. Par exemple, des proches, c'était le mec qui, quand il déconnait sur le juif, c'était en lui tapant la main dans le dos. Alors que quand c'est Dieudonné qui le fait, il fout des dizaines de pichenettes sur la joue en disant « Ah, ça va, on rigole, c'est bon, il s'énerve en plus !» Ou même plus simple, en fait, si tu fous une tarte dans la gueule à quelqu'un, ça peut avoir un côté comique, d'une certaine manière. Mais c'est certainement pas drôle pour celui qui se la prend, et ça devient un petit peu répétitif, on comprendra que la cible des tartes commence un petit peu à montrer les crocs. En bref, peut-être qu'un jour il se dégroconisera, mais aujourd'hui c'est bien trop pour moi, et ça provoque, c'est réussi, elle me provoque. Donc du coup, voilà, c'est ton coup de gueule, bah, ouais, tu te détaches complètement, enfin maintenant t'as même plus envie d'aller regarder s'il y a potentiel spectacle. Si, j'attends toujours d'une certaine manière, une rédemption. Mais là, il y a trop de gens qui le suivent, mais pour des super mauvaises raisons à la base. Le mec avait un discours qui était anti-religieux, pas anti-religieux, mais il tapait sur tout le monde en montrant les aberrations et les débilités. Ça s'est complètement concentré sur le culte juif. Et maintenant, quand je vois surtout ses fans et tout ça, qui balancent des trucs mais absolument antisémites et complètement dégueulasses, qui balancent des trucs quand il a foiré son tweet là sur Charlie Koulibaly, et maintenant, je sais pas pourquoi, vu que ça personne n'a suivi, il s'en prend directement à Charlie Hebdo et tout. Oui. Donc ça devient du grand n'importe quoi. Je sais pas si toi, Julien, tu veux t'exprimer là-dessus. Si, bah, j'ai trouvé que c'était vachement bien écrit là, ce que tu viens de dire. Et je suis complètement d'accord avec la métaphore de. D'ailleurs, récemment dans une interview, j'ai dit chatouillé mais pas blessé. Mm-hmm. En fait, c'est ça par rapport à ce que tu disais sur la table dans le dos. On est là pour chatouiller. Quand mm-hmm. tu chatouilles quelqu'un, ça fait rire tout le temps. Mmh. Par contre, si tu chopes un objet qui fait mal et puis que tu essaies de chatouiller la personne et qu'elle te dit ah j'ai mal, arrête, et que toi tu continues, eh ben ça c'est pas bon ça. Et c'est ce qui est en train de se passer, je trouve. Et puis j'ai croisé, juste pour info, j'ai croisé des gens qui l'ont vu là récemment, des archi fans, mmh. Et ils m'ont dit on est déçus parce qu'on n'a pas envie de voir un homme politique en spectacle. On veut voir un humoriste. C'est ça. C'est des fans, hein. C'est pas moi qui le dis. Bah, disons qu'en humour, il est monstrueusement doué. Et là, ces derniers temps, il s'est mis le révolutionnaire est beaucoup moins bandant que le voilà, que l'humoriste, quoi. Il fait des vidéos sur internet où il est un petit peu le messie. Enfin, il se prend un petit peu pour un messie avec des suiveurs. Et c'est un petit peu plus flippant que. Donc c'était le coup de gueule du jour, de Bertrand. J'ai pas trop gueulé, qui suivait. Bah si, quand même. Non, mais c'est pas mal, mais faut le dire. J'ai rousse pété. Et c'est bien de donner effectivement son avis. Allez, il est 20h40 dans Rock'n'Roll et on est bien sûr avec Julien Strelzik. Fadjet. Alors on est ensemble encore jusque 21h et on a encore quelques petits trucs. Alors moi je vais un petit peu détendre l'atmosphère ou pas. Je sais pas, chaque mois j'ai en fait un questionnaire vrai ou faux. Bertrand le connaît, c'est un spécialiste aussi, spécialiste de tout. Il suffit simplement de me répondre par vrai ou faux. Ouais. Tu es flippé avec des jingles. Ah, ça flippe pas, ça flippette. Donc il y a c'est simple. Siècle, hein. En Amazonie. Alors, très simple. Première anecdote. Il y a rien de stressant en fait. Hein. C'est juste le jingle. C'est pour vous mettre dans des conditions qui ne sont pas du tout respectées. C'est juste par rapport à moi ou rien à voir? Non, rien à voir. Jingle, rien à flipper. T'as l'impression que tu vas te prendre une fléchette ouais, ou un ouais, rare. Mais c'est même ta voix et tout. Ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Mesdames et messieurs, première anecdote. Le pape François est un ancien videur de boîtes de nuit. Faux. Vrai ou faux? Faux. Julien l'a dit direct. Toi? Oui, c'est de la grosse lag. Ça veut dire quoi en lorrain? C'est de la schlag, en lorrain, c'est ça. Ça veut dire que c'est faux. Ouais. Effectivement, vous avez raison. Et non, c'est vrai. Le pape François a révélé cette anecdote à la sortie d'une messe célébrée à l'église Saint-Cyril d'Alexandrie dans la banlieue de Rome en 2013 lors d'une discussion avec des fidèles. En effet, avant de devenir le souverain pontife, il a été videur de boîte de nuit. Il était ivre quand il a dit ça. Non, pas du tout. Il a été videur de boîte de nuit à la capitale. Il a tourné un peu trop au vin de messe et... Laissez-moi finir. À la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, comme on dit dans le jargon, lorsqu'il était étudiant, ce qui l'a aidé, selon lui, à apprendre, en fait, comment ramener les gens à l'église quand il est devenu prêtre. Donc il a été videur. Mais du coup, est-ce qu'on sait s'il a cassé des gueules à quelqu'un ou s'il a fait juste une clé de bras à quelqu'un? Je pense qu'il a mis une petite tartinette. Mais gentil, quoi. Gentil. Deuxième anecdote. Après la sortie de Michel Onfray qui a traité Manuel Valls de crétin sur l'antenne d'Europe 1, le Premier ministre a tenu à riposter immédiatement. Lors d'une conférence de presse, celui-ci a ainsi affirmé ces derniers jours en réponse que le philosophe n'était qu'un petit caca séché, un tout petit caca séché. Vrai ou faux? Faux. Alors faux. C'est beaucoup trop calme pour du Valls. Tu le vois dire un petit caca séché quand même. Je trouve ça très drôle par contre. Parce que l'autre l'a quand même traité de crétin. Hein. Ah ouais? Ouais, pour de vrai. Mais par contre, il l'a pas retraité en contrepartie de petit caca séché. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Troisième anecdote, il vole 5 voitures et un camion pour aller en boîte de nuit, à la boîte de nuit du pape. Hein. Il vole 5 voitures et un camion pour aller en boîte de nuit. Vrai ou faux? Ça c'est vrai. Oui. Bah effectivement, bon, l'anecdote est un petit peu marquante. Dans la nuit de samedi à dimanche 1er mars, un jeune homme de 18 ans, en fait n'ayant pas son permis de conduire, a été arrêté par la gendarmerie. Alors ce qui est drôle, c'est que le gars a déjà dérobé 5 véhicules afin de se rendre dans une discothèque. Il a ensuite volé un camion de 7,5 tonnes cette fois pour rentrer chez lui. Bah, normal. Bah c'est tout à fait normal. Comment il a fait pour tirer tranquille 5 voitures et Bah je vous explique. En fait, malheureusement pour lui, son expérience de conduite était si faible qu'il n'est pas arrivé à garder le contrôle de son véhicule et elle a terminé avec dans le fossé. Ne voulant pas s'arrêter en si bon chemin, bien sûr, il en a volé une seconde, puis une troisième, mais ces deux voitures ont subi le même sort. Donc le mec, à chaque fois, il a foutu la caisse dans le fossé. C'est bon ça. Et il en doit, définitive. Pour 3 millions d'euros de. Mais c'est soit 5 bagnoles. Non, bah attends, c'est pas terminé. En définitive, le jeune homme a volé 5 véhicules dans 4 communes différentes du canton de la Noaille, et ça, c'est en France. Il a ensuite, donc, passé sa soirée peinard, tu vois, en discothèque. Et une fois la soirée terminée, le jeune homme s'est mis au volant d'un camion de 7,5 tonnes. Donc il devait certainement avoir sur le parking un camion de 7,5 tonnes. C'est tout à fait normal comme endroit pour mettre ce camion. Truc bonus, quand t'as fauché 5 bagnoles, t'as le droit de faucher un camion, tu sais, c'est les ouais, piliers. Ouais, expérience. C'est un jeu vidéo, en fait. Et le poids lourd, lui, a été retrouvé abandonné un peu plus tard dans la commune de Andordone de Chervé, Cuba. Mais c'est dommage, quand même, quand il a pris un fossé avec le camion. Il a pris, non, alors, le camion, il a juste laissé abandonner. Donc, le mec, c'est mieux conduire, donc, un camion. Ah ouais, que des Twingo. Que des Twingo. Mais, je veux dire, quand tu sais aussi bien faucher des bagnoles, parce qu'arriver à en faucher 5 dans la même soirée. On met 3 Smart et 2 Twingo. Ouais, mais quand même, tu peux au moins pousser un petit peu le vis pour apprendre à conduire jusqu'en quatrième. Ouais, enfin. Ou tu termines à pied, quoi, je sais pas, enfin, y a un souci. Quatrième anecdote, Pornhub a créé un bracelet qui génère de l'énergie au mouvement lié à la masturbation. Vrai ou faux? Pornhub. Moi, je dis que c'est faux. Vrai. Julien. Effectivement, Julia, tu as raison. L'équivalent pornographique de YouTube avait une estimation de 41 millions de visiteurs quotidiennement, a mis au point un gadget nommé Wank Band qui se porte à la main et qui convertit l'énergie cinétique qui se produit grâce au déplacement de haut en bas de la main en énergie électrique. C'est l'énergie onanique, ça. Exactement, nous sommes en train d'épuiser nos ressources naturelles, le mec donc dit, à une vitesse incroyable pour produire de l'énergie, ce qui engendre une grande pollution. C'est pourquoi nous allons montrer aux hommes comment ils peuvent sauver la planète tout en faisant ce qu'ils font de mieux. Bien évidemment. Alors, il y avait un autre site de ce genre de film à caractère sportif qui en fait t'avais toutes les vidéos qui étaient en accès gratuit. Ouais. En fait, il fallait juste que tu maintiennes tes doigts sur le clavier. Ouais. Tes deux mains étaient prises par le clavier et du coup tout était en accès gratuit. Sauf que tu regardes pas les vidéos si t'as les mains occupées. Exactement. Il fallait être deux. Alors, qui tient le clavier? Mais c'est alors, toujours gênant ça. Ah ouais. Ils ont fait quand même habitué tes parents, je pense. Ils ont fait quand même du buzz autour de ça. Ouais. Ils ont fait quand même du buzz autour de ça pour notamment que le bracelet n'est pas seulement réservé aux hommes, hein, il faut le savoir, ni au plaisir solitaire. Ça, comme provocatrice mise de côté, le Wank Band n'est peut-être pas finalement une si mauvaise idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Moi ouais, je pense, hein. Non bon, ouais, on n'ose pas. Ça change des éoliennes, évidemment. Ça. Cinquième anecdote, mes amis. Sport. La Bresse dépose un dossier de candidature au JO d'hiver 2023. Pourquoi tu trouves ça drôle? T'es déjà allé skier à la Bresse? C'est vrai. Donc je pense que ta réponse veut dire faux. Et toi, Bertrand? Non, moi j'y crois pas. Moi j'y crois si c'est jumelé avec Gérard May, sinon. Sachant qu'ils ont deux semaines de neige par an, les pauvres, il faut bien choisir le timing, quoi. Arrêtez. C'est vrai que les pistes noires dans les Vosges, ça doit être. C'est là, il y en a une. Il y en a une. Arrêtez de vous moquer des Vosges. Après Sochi, voilà, Bresse. Bon, allez, mes amis. Trucs de ski de vitesse. C'était le vrai ou faux. Il est 20h46. On va s'écouter un petit titre pour faire une pause musicale. Ouais, ouais, baby. C'est Redbone, Come and Get Your Love Music. Tu connais? Oui, bah tu oui, connais toi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Eh bah, ben parfait. Et on se retrouve encore pour un petit quart d'heure dans Rock'n'Roll avec Julien Strelzik. Et on va parler de son actualité qui est incessamment sous peu, même voire dire à la fin de la semaine. Vous pourrez le retrouver notamment à la MJC Pichon. Allez, à tout de suite. Oh, Fred Bone, Come and Get Your Love sur Fadjet. C'est plus qu'une radio. Allez, vous êtes avec nous jusque 21h dans Rock'n'Roll. Julien, on tape sur la table, il est tout joyeux, tout guilleret. Pourquoi ? Parce qu'il joue à la fin de la semaine à la MJC Pichon. Julien. Pichon. Alors, Julien, petite question très rapide. Est-ce que ton spectacle, au final, a tout de même évolué sur ces années? Est-ce qu'il y a des sketchs que tu as gardés, d'autres que tu as changés? Explique-nous un peu l'évolution de ton spectacle. Et la webcam. Non, les mecs s'éclatent. Hein, ouais, c'est déjà la troisième version de mon spectacle. Et puis, même entre le spectacle que j'ai joué à Vendeuvre il y a un mois et la version que je joue samedi à Nancy, je crois qu'il y a 20 minutes de modifier encore. Donc c'est on a encore modifié des choses. Bah, j'aime bien le faire évoluer. Il se passe tellement de choses. Hier, il y en a une qui a pris une photo avec moi. Elle m'a dit wow, c'était super ce que vous avez fait. Allez, je prends une photo avec un futur artiste. Ah, c'est sympa. Ça, c'est bon ça. Ouais. Du coup, j'ai pris note et je vais l'intégrer dans le spectacle. Oui, mais c'est drôle parce que tu vois, il y a tout l'enthousiasme, puis elle m'a calmé quoi sur le futur artiste. La petite vanne, le petit mot qui vanne alors que ça. Voilà, sans faire exprès. Et tu vois, où tu dis c'est bien, continue. Il y a encore quelques trucs à corriger, mais c'est ouais, bien. C'est de la même veine que ceux qui demandent les dédicaces et qui disent vas-y, on sait jamais au cas où. Donc les sketchs, en fait, toi, tu les joues. Les dédicaces, ça s'en vend tellement pas cher. Tu joues tes sketchs, par exemple, à un moment, est-ce que t'en as marre d'un sketch en particulier? Non, on a de l'affection pour t'en as un vraiment qui est ton sketch phare et dont maintenant les gens te sollicitent pour l'avoir. C'est Julien. Ah oui, c'est l'accent mosellan, ouais. Parce que même en dehors de la Lorraine, ce qui est drôle, c'est que quand j'avais joué en Picardie là il y a un mois, je fais le Julien et les gens m'appellent Julien. C'est quand même fou parce qu'à Soissons en Picardie, ils ont rien à voir avec l'accent allemand, mais ça les fait rire. Et effectivement, ils sont impressionnés de se dire que le Julien se transforme en Julien. Et donc là, on te retrouve ce samedi à la MJC Pichon à 20h30. Si je n'abuse, toutes les informations sur mjcpichon.com. Ouais, mais c'est ça. Où les prochaines dates? Est-ce qu'il y en a en Meurthe et Moselle? En Moselle, certainement. Non, il y a Vendeuvre, tu connais donc toi, le je crois, 26 mars à Vendeuvre, on fait un plateau d'humour. Il y a aussi le 3 avril à Thierville-sur-Meuse. Je joue parfois en Meuse parce que je fais du social. Ne taquine pas le public meusien, on sait jamais, il peut nous écouter. Ah mais moi j'aime beaucoup. Quand j'ai joué à Bar-le-Duc, j'ai fait le test micro 1-2-1-2, il y a un vieux monsieur errant qui fait oh vous chantez bien. Ah oui, donc tu vois, donc remarque, c'est bien. Le public est c'est déjà le public est conquis. Ouais. Tu passes, prends-le bien. C'est eux qui me font rire. C'est eux qui te font rire. Alors on peut suivre notamment toutes tes dates sur Julien. Verlolympia.fr, ouais, c'est ça? Julien Verlolympia.fr, puis évidemment plutôt aussi Instagram Julien Olympia, Twitter Julien Olympia et Facebook Julien Verlolympia. Et d'ailleurs, j'ai tapé tout à l'heure pour te le dire, humoriste Nancy, qui je tombe. Alors on tombe sur la prog des artistes genre Nawel Madani, tout ça, mais ça, sur deux ou trois, au bout du quatrième, c'est Julien Verlolympia. Quand tu mets humoriste Nancy. Nancy. Pourquoi? Bah parce que je suis médecin. J'explique par ce paradoxe. C'est vrai, non mais c'est marrant hein, parce que des fois c'est intéressant de voir ça, mais c'est vrai que c'est toi qui arrives en quatrième en local. Non mais c'est parce que je paye cher Google. Ah bah oui, c'est ça. T'es référencé partout. Je fais des emprunts. Donc t'as d'autres dates à venir. Bon alors n'hésitez pas hein, finalement allez voir une nouvelle version si vous l'avez déjà vue peut-être ici sur Nancy, je sais pas au Clou ou ailleurs. N'hésitez pas à venir le voir ce samedi, c'est une nouvelle version de son spectacle et ça promet d'envoyer sévère du steak haché. Par contre, on peut continuer peut-être. Alors tu veux peut-être dire autre chose, je sais pas Julien, toi sur quelque chose qui te tient à cœur et que un message tu as envie de faire passer, on termine comme ça sur l'humoriste. D'accord. Voilà. Allez, c'est à toi. Non, mais moi j'invite toutes les personnes qui me connaissent pas à se connecter, à me demander un ami sur Julien vers l'Olympia, puisque ils verront aussi mes aventures. Donc même s'ils peuvent pas venir samedi, au moins ils me suivront et on se croisera un jour. On fait ça pour ça, c'est pour croiser des gens qu'on n'aurait jamais croisés sans le monde du spectacle. C'est vrai, on a une vie virtuelle. Alors si on continue on sur violon, hein. Bah j'ai envie de pleurer. Si on a si on poursuit la programmation sur ce mois de mars à Nancy, on va aller jusque la prochaine émission de Rock'n'Roll qui doit être vers le 12 avril, samedi 14 mars. Donc on le disait à 20h30, je le rappelle et je n'aurai cesse de le rappeler, Julien Strelzik joue son one man show Julien en route vers l'Olympia, la nouvelle version. Donc info et résa sur mjcpichon.com, 6,50€ en prévente, 7,59€ sur place. Samedi 14 mars à 20h30 à la salle Rographe à Nancy, Jocelyn Dailly, joue son One Human Show dans l'air de rien, où il décrypte les comportements humains avec son œil aiguisé. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on pouvait en parler aussi rapidement, puisque on vous voit, on peut vous voir assez souvent sur les scènes, que ce soit l'un ou l'autre. Et là, vous jouez tous les deux le même jour. Bah oui, parce qu'on a rendez-vous après pour aller boire un verre. Et donc, est-ce que tu trouves qu'il y a une concurrence aussi dans ce métier, clairement, même au niveau local? Bah moi, je trouve que c'est plutôt, c'est un petit peu comme, alors c'est une réponse peut-être qui va paraître étonnante, mais je trouve que c'est un petit peu comme les commerces. Tu sais, quand tu dis, il y a plein de restos au même endroit, ouais. Bah c'est plutôt bien. Et là, je crois que c'est assez sain, hein, ce qui se passe en Alsace-Lorraine. En fait, on est tellement nombreux que du coup, il y a de plus en plus d'habitués, en fait. Oui, c'est des gens qui sortaient pas voir de l'humour il y a quelques années, donc c'est super. Moi, je suis content. Pour moi, vous êtes pas encore beaucoup à voir un spectacle complet. Ouais, et complet. Vous faites tourner depuis de nombreuses années. Bon, ouais aussi. Et donc là, Jocelyn, ouais, c'est très bien. Ce qu'il fait, c'est énorme. Donc, j'ai entendu dire qu'il avait été au Jamel Comedy Club aussi. Oui, je, donc oui. Du coup, lui, oui, effectivement, il est vraiment en train de faire un très beau chemin. Et bon, là, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit le même jour, mais en tout cas, c'est bien qu'on ait des gens qui nous suivent tous les deux. Et du coup, je pense qu'après, c'est vous, comment dire, les têtes, pas les têtes d'affiche, mais le devant du wagon, et ça permet, moi je le vois sur les scènes que je peux animer, ça permet de tirer pas mal de gens vers la scène et vers l'humour, qui commence par un seul sketch tout simplement, et d'avoir des gens aguerris comme vous devant qui ouvrent le chemin et puis qui sont qui ont envie de motivé, par passion, motivé, ouais. Parce que je pense que c'est pas pousser les portes, c'est pas tapoter à la porte, oh là, c'est l'exploser, la dynamité. Donc voilà, pour faire sa place. Et donc c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui montraient le chemin. Alors si on continue la programmation vendredi 20, notamment aussi, et samedi 21 mars, toujours à la MJC Pichon, il y a la première édition du tremplin de l'humour. Alors après une phase de présélection, les candidats vont éprouver leur talent pendant 15 minutes devant le public et un jury. Et les lauréats se verront proposer un accompagnement adapté sous forme d'une résidence de création où seront travaillés en fonction des besoins des lauréats. Alors la mise en scène, la scénographie, la création de lumière, les techniques théâtrales et une aide à la communication sera également proposée en plus d'une programmation à la MJC Pichon. Diverses premières parties seront proposées sur les scènes locales ou à Paris. Et notamment toi, tu as aussi l'occasion de parrainer pas mal de scènes comme ça. Juste petit clin d'œil, pardon. Oui. Le 5 avril, voilà. Justement, je suis le parrain du festival de l'humour de Lorraine et le 5 avril à l'espace Chaudot de Ludre, il y a la deuxième édition et j'ai vu les répétitions, les lycéens et les étudiants qui ont été choisis, ils sont excellents, leurs textes et leurs sketchs sont très bons, donc venez à Ludre, c'est à 17h il me semble, c'est l'après-midi à Ludre, l'espace Chaudot, ça va être vraiment un spectacle formidable. Et il y a aussi jeudi 26 mars, si on reprend un petit peu au mois de mars, à 20h30 à la MJC Étoile de Vendeuvre, on l'en parlait, dans le cadre du festival Les Planches de l'Étoile et en partenariat avec l'association Scène de Rire, un plateau d'humoristes parrainé notamment par Julien Salzig qui proposera une trentaine de minutes de son spectacle, ouais. Avec 4-5 premières parties, 4 premières parties aussi, hein, qui ont éprouvé pas mal de scènes à Nancy. Donc n'hésitez pas, les infos sur mjcétoile.org. Samedi 28 mars, la compagnie Le Clou du Spectacle et l'association donc Scène de Rire aussi vous propose toujours à la MJC Pichon, Grève de comptoir, un nouveau concept d'improvisation théâtrale humoristique. Une journée dans un bar, le petit teaser, 4 personnes atypiques et leur philosophie de comptoir. Un spectacle qui se construit sur mesure. Vous proposez vos thématiques et vos mots deviendront peut-être des phrases cultes. Info et résa sur mjcpichon.com. Si on parle d'impro, il y a notamment aussi mercredi 11 mars, c'est-à-dire après-demain, apéro impro à la Plantation, 8 rue Raymond Poincaré par la troupe Peps. Il y a aussi jeudi 12 mars au Clou sans tête, un petit concept improvisé. Donc le pitch pareil de ce concept, comme vous le savez tous, nous approchons de la date du grand départ de la navette l'Arche, avec son bord l'élite de la nation mondiale. Venant d'apprendre le décès de l'individu 78354, l'équipe de First One organise un recrutement en toute urgence pour le remplacer. Ça c'est au Clou sans tête, 30 places des Vosges à Nancy. On va relayer tout ça sur vendredi, la page Facebook, oui. Qui a lieu, il y a aussi un spectacle de la Stan Cup. Ah, effectivement, tu l'as dit aussi, Bertrand, le spectacle de la Stan Cup, il y a Aphrodisiaque versus Peps versus Schizo. Voilà. La Stan Cup, donc c'est un tournoi d'improvisation théâtrale nancéen. Donc n'hésitez pas à vous rendre à la MJC Lillebonne vendredi. C'est bien, Julien, tout est dit ? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. C'était très agréable de passer ce moment. Et c'était quoi ton nom? Dites-on ta table. On fera les bases de conjugaison ensemble. Ouais, non, mais il n'y en a pas pour longtemps. C'est rapide et tu vas voir, c'est génial. Ça va te donner en plus des clés pour ton écriture. Merci, c'est gentil. Dites-à-table, ça peut être le mot de la fin. Can't touch this. Merci à toi Bertrand, on se retrouve le mois prochain, je l'ai dit, ça doit être 10, 11, 12, le 13 avril, le deuxième lundi de chaque mois.